Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller. Extrait. Première émission. La Grèce. Ce n'est pas un hasard si ce pays a été de tout temps la terre des héros et des poètes, la terre où l'homme était l'égal des dieux, et où les dieux eux-mêmes prenaient stature humaine. Le mythe y est toujours vivant. La matière dont sont faits mythes et légendes est ineffable. Les ténèbres ont eu beau recouvrir maintes et maintes fois la Grèce, jamais elles n'ont pu éclipser entièrement l'espoir de la résurrection, la foi de l'homme en l'homme. Être grec, c'est être homme, dans toute la force et toute la plénitude du terme. 9 février 1972. Henri Miller, l'auteur entre autres de Plexus, Nexus, Sexus, écrit Le Colosse de Maroussi à la suite d'un voyage en Grèce qu'il fait en 1939. Le livre sera publié en 1941 et magnifiquement traduit en français par Georges Belmont en 1958. Sans Betty Ryan, jeune femme qui habitait la même maison que moi à Paris, jamais je ne serais allé en Grèce. Un soir, devant un verre de vin blanc, elle se mit à parler de ses aventures vagabondes à travers le monde. Je l'écoutais toujours avec grande attention, non seulement pour l'étrangeté de ses expériences, mais parce qu'elle avait l'air de peindre ses pérégrinations en les racontant. Ses descriptions demeuraient fixées en moi comme des toiles de maître parfaites. Singulière conversation que nous eûmes ce soir-là. Débutant par la Chine et le chinois, dont elle avait commencé l'étude, nous nous retrouvâmes bientôt en Afrique du Nord, dans le désert, parmi des peuples dont j'entendais parler pour la première fois. Et puis soudain la voilà seule. Elle chemine le long d'une rivière. La lumière est intense. Je la suis de mon mieux sous le soleil aveuglant, mais elle s'égare et voici qu'à mon tour j'erre dans un pays étrange et j'écoute une langue qui m'est totalement inconnue. Non qu'elle soit à proprement parler une conteuse, cette fille, mais c'est une artiste d'une manière. Personne ne m'a jamais rendu aussi entièrement l'atmosphère d'un pays qu'elle, celle de la Grèce. Plus tard, bien plus tard, j'ai découvert que c'était près d'Olympie qu'elle s'était égarée, et moi avec elle. Mais sur le moment, je ne vis que la Grèce, toute la Grèce, un monde de lumière passant tous mes rêves et toutes mes espérances. Depuis plusieurs mois, avant même cette conversation, je recevais, de Grèce, des lettres de mon ami Laurence Durel, qui s'était presque installée à demeure à Corfou. Étonnantes ces lettres, elles aussi, mais tant soit peu irréelles à mes yeux. Durel est un poète, ses lettres s'en ressentaient. Elles créaient en moi une certaine confusion, tant rêve et réalité, histoire et mythologie s'y fondaient avec art. Moi-même, par la suite, je devais découvrir que cette confusion existe vraiment et qu'elle n'est pas entièrement due au don de poésie. Mais, à l'époque, je pensais qu'il en remettait, que c'était pour lui façon de m'enjoler, de me persuader d'accepter ses invitations répétées à venir le retrouver. Quelques mois avant la guerre, je décidai de prendre de longues vacances. Depuis longtemps, j'avais envie, entre autres, de visiter la vallée de la Dordogne. Je bouclai donc ma valise et pris le train pour Rocamadour, où je débarquai de bonne heure, un matin, vers le lever du soleil, la lune brillant encore d'un éclat vif dans le ciel. Coup de génie de ma part, cette idée d'explorer la région de la Dordogne avant de me plonger dans l'illumination millénaire du monde grec. Rien que le coup d'œil sur la rivière noire et mystérieuse, du haut de la magnifique falaise debout à l'orée de dômes, suffit pour vous emplir d'un sentiment de gratitude impérissable. Pour moi, cette rivière, ce pays, appartiennent au poète Rainer Maria Rilke. Ce n'est pas plus la France que l'Autriche, ni même que l'Europe. C'est la terre d'enchantement jalousement marquée par les poètes et que seuls ont le droit de revendiquer comme leur. Ce qui se rapproche le plus du paradis, en attendant la Grèce. Le paradis des Français, mettons, par manière de concession. Un paradis, en fait, dont l'existence doit remonter à des milliers et des milliers d'années. Je suis convaincu que c'était bien cela pour l'homme de Cro-Magnon, malgré le témoignage fossilisé des formidables grottes qui indiquent des conditions de vie plutôt stupéfiantes et terrifiantes. Rien ne m'empêchera de croire que si l'homme de Cro-Magnon s'installa ici, c'est qu'il était extrêmement intelligent, avec un sens de la beauté très développé. Rien ne m'empêchera de croire que le sentiment religieux avait déjà atteint en lui un haut degré de développement et qu'il a fleuri en ces lieux, alors même que l'homme vivait comme une bête au fond des cavernes. Rien ne m'empêchera de croire que cette grande et pacifique région de France est destinée à demeurer éternellement un lieu sacré pour l'homme et que, lorsque la grande ville aura fini d'exterminer les poètes, leurs successeurs trouveront ici refuge et berceau. Cette visite à la Dordogne fut pour moi, je le répète, d'une importance capitale. Il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce et même de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister, mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves dont se nourrit l'âme humaine. À Marseille, je pris le bateau pour le Pirée. Mon ami Durel devait m'attendre à Athènes pour me conduire à Corfou. Il y avait à bord beaucoup de gens du Levant. Je les choisis aussitôt, de préférence aux Américains, aux Français, aux Anglais. J'avais très envie de bavarder avec des Arabes, des Turcs, des Syriens et leurs pareils. J'étais curieux de connaître leur vision particulière du monde. Les 4 ou 5 jours que dura la traversée me donnèrent amplement le temps de me lier avec ceux que j'étais impatient de mieux connaître. Pur hasard, mon premier ami fut un Grec, étudiant en médecine, qui revenait de Paris. Nos conversations se passaient en français. Le premier soir, nous bavardâmes jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Il fut surtout question de Knut Hamsun, dont les Grecs étaient férus à ce que je découvris. Étrange impression d'abord que de s'entretenir de ce génie nordique quand on vogue sur une mer chaude. Mais la conversation m'apprit aussitôt que les Grecs sont un peuple passionné, enthousiaste, à l'esprit curieux. La passion. Cela m'avait longtemps manqué en France. Et non seulement la passion, mais le génie de la contradiction, de la confusion, du chaos. Autant de qualités humaines fondamentales que je redécouvrais et chérissais à neuf dans la personne de mon nouvel ami. Et la générosité. J'en étais presque venu à la croire disparue de cette terre. Et voilà que lui, le Grec, et moi, l'Américain, un lien nous unissait, malgré l'abîme qui nous séparait. Magnifique prélude à ce monde qui allait s'ouvrir à mes yeux. Déjà, j'étais épris de la Grèce et des Grecs, et le pays n'était pas encore en vue. D'avance, je voyais bien que c'était un peuple hospitalier, amical d'accès et de rapports faciles. Le lendemain, j'engageai la conversation avec les autres. Un Turc, un Syrien, quelques étudiants du Liban, un Argentin de souche italienne. Le Turc me fut presque immédiatement antipathique. Il avait une manie de la logique qui me mettait hors de moi. Et quelle logique ! Mauvaise ! De même que tous les autres, avec lesquels je me trouvais en désaccord complet, il me fournissait un bel exemple de l'esprit américain en ce qu'il a de pire. Ils avaient la hantise du progrès. Tous. Davantage de machines, de rendements, de capitaux, de confort. C'était tout leur discours. Je leur demandais s'ils avaient entendu parler des millions de chômeurs américains. Ils refusaient d'entendre. Se rendaient-ils compte au moins du vide, de l'inquiétude, de la misère morale du peuple américain au milieu de tout son luxe et de son confort mécanique? Ils restaient imperméables à mes sarcasmes. Ils avaient un désir. Réussir. L'argent. La puissance. une place au soleil. Aucun d'eux n'avait envie de retourner dans sa patrie. S'ils rentraient, c'était contre leur gré, chacun contraint par un motif ou un autre. À les entendre, il n'y avait pas de vie possible pour eux dans leur pays. Mais alors, quand commencerait-il à vivre, voulais-je savoir. Quand on aurait tout ce qu'on avait en Amérique ou en Allemagne ou en France. La vie s'était faite de machins, de machines surtout, à ce que je comprenais. La vie sans l'argent? Impossible. Il fallait absolument des vêtements, un bel intérieur, la radio, une auto, une raquette de tennis, que sais-je. Je leur déclarai que je n'avais rien de tout cela et que cela ne m'empêchait pas d'être heureux, que j'avais tourné le dos à l'Amérique précisément parce que ces choses n'avaient aucun sens pour moi. Ils me répondirent que j'étais l'Américain le plus étrange qu'ils eussent jamais rencontré. Mais ils m'aimaient bien. Ils se cramponnèrent à moi toute la durée de la traversée, me harcelant de toutes sortes de questions auxquelles je répondais en vain. Le soir, je retrouvai mon grec. Nous nous comprenions mieux, infiniment mieux, bien qu'il adorât l'Allemagne et son régime. Lui aussi, naturellement, avait envie d'aller un jour en Amérique. Quel est le grec qui ne rêve pas d'aller en Amérique et d'y dénicher la poule aux œufs d'or? Je n'essayai pas de l'en dissuader. Je lui fis un tableau de l'Amérique tel que je la connaissais, que je l'avais vue, pratiquée. Cela eut l'air de l'effrayer un peu. Il reconnut que c'était la première fois qu'on lui parlait ainsi de l'Amérique. « Allez-y, lui disais-je. Allez voir par vous-même. Il se peut que je me trompe. Je vous parle de ce que je sais d'expérience personnelle. Rappelez-vous, ajoutai-je, Knut Hamsun n'y a pas eu la vie si drôle que ça. Pas plus que votre grand chéri, Edgar Allan Poe. » Il y avait un archéologue français qui retournait en Grèce. À table, il était assis en face de moi. Il aurait pu me dire des tas de choses sur le pays. Je ne lui en laissais jamais la chance. Il me déplut au premier coup d'œil. Mon préféré de toute la traversée, ce fut l'Italien d'Argentine. Je crois bien n'avoir jamais rencontré d'être plus ignare. Mais quel charme avec ça! À Naples, nous descendîmes à terre ensemble pour faire un bon repas et visiter Pompéi, dont il n'avait pas même entendu parler. Il faisait une chaleur écrasante. N'empêche que la balade à Pompéi me plut énormément. Si j'y étais allé avec l'archéologue, je me serais affreusement ennuyé. Au Pirée, il débarqua avec moi pour aller voir l'Acropole. La chaleur était pire encore qu'à Pompéi, ce qui n'est pas peu dire. Il était 9 heures du matin et il devait bien faire 50 degrés au soleil. À peine avions-nous franchi la grille du quai que nous tombâmes sur un guide grec, vieille ficelle qui parlait un peu l'anglais et le français et qui promit de nous montrer tout ce qu'il fallait voir, moyennant une modeste somme. Nous essayâmes de savoir ce qu'il voulait pour ses services, en vain. Il faisait trop chaud pour marchander. Nous nous écroulâmes dans un taxi en lui disant de nous conduire droit à l'Acropole. À bord, j'avais changé mes francs contre des drachmes. J'avais l'impression d'avoir empoché une si formidable liasse qu'aucune dépense ne m'effrayait, si exorbitante fut-elle. J'étais sûr qu'on nous posséderait. Je m'en délectais d'avance. J'avais une seule idée, bien ancrée dans l'esprit, sur les Grecs, qu'on ne pouvait se fier à eux. Quelle déception si notre guide s'était montré magnanime et chevaleresque. Mon compagnon, lui, était plutôt inquiet. Il allait à Beyrouth. Je jure que je l'entendais calculer mentalement pendant que nous roulions, suffoquant de chaleur et de poussière. Le trajet en auto du Pirée à Athènes est une bonne introduction à la Grèce. Il n'a rien de séduisant. Il incite à se demander pourquoi on a décidé de venir dans ce pays. Il y a, dans le paysage, quelque chose non seulement d'aride et de désolé, mais de terrifiant aussi. On se sent mis à nu, saccagé, presque anéanti. Notre chauffeur avait l'air d'un animal qui aurait miraculeusement appris à manier une mécanique folle. Le guide passait le temps à lui dire à droite, à gauche, comme si ni l'un ni l'autre n'avait jamais parcouru cette route. j'éprouvais une énorme sympathie pour le chauffeur. Je savais que lui aussi, il serait possédé. J'avais le sentiment qu'il était incapable de compter au-delà de 100, et aussi qu'il foncerait droit dans le fossé si on le lui ordonnait. Quand nous parvînmes à l'acropole, commencez par là, quelle idée de fou! Des centaines de gens avaient déjà pris les devants et assaillaient la grille. La chaleur était devenue si effroyable que je ne pensais qu'à une chose, trouver un coin d'ombre où m'asseoir. Je dénichai un endroit assez frais et m'y installai, le temps que l'Argentin en eut pour son argent. Notre guide était resté à l'entrée avec le chauffeur de taxi, après nous avoir refilé à l'un des guides officiels. Il devait nous escorter au temple de Jupiter, au Théséion et autres lieux, sitôt que nous aurions notre sou de l'acropole. Jamais, bien sûr, nous n'allâmes à aucun de ces endroits. Nous lui dîmes de revenir en ville et de nous trouver un bistrot où commander des glaces. Sur le coup de 10h30 du matin, nous étions enfin garés à la terrasse d'un café. Tout le monde avait l'air rétamé par la chaleur, même les Grecs. Nous mangeâmes nos glaces, bûmes de l'eau glacée, et puis reglace et re-eau glacée. Après quoi, je demandai du thé brûlant, m'étant brusquement rappelé qu'on m'avait dit que c'était rafraîchissant. Le taxi attendait au bord du trottoir, moteur tournant. Notre guide semblait être le seul à ne pas souffrir de la chaleur. Il devait s'imaginer que, une fois notre mécanique un peu refroidie, nous allions nous remettre à trotter sous le soleil de ruines en monuments. Nous finîmes par lui dire que nous nous passerions de ses services. « Rien ne pressait, » répondit-il. « Il n'avait rien de spécial à faire. Il était content de nous tenir compagnie. » Nous lui déclarâmes que nous en avions assez pour la journée, que nous ne voulions plus bouger. Il appela le garçon et paya les consommations de sa poche. Nous eûmes beau lui demander combien cela faisait, insister, du diable s'il avait envie de nous le dire. Il désirait savoir à combien nous estimions ses services. Nous rétorquâmes que nous ne savions pas, à lui de décider. Sur quoi ? Après un long silence, après nous avoir examiné de pied en cap et s'être gratté, après avoir repoussé son chapeau en arrière, s'être épongé le front et tout, il prit une voix de miel pour nous annoncer que, à son avis, 2500 drachmes feraient l'affaire. Je regardai mon compagnon du coin de l'œil et lui dis d'ouvrir le feu. Bien entendu, notre Grec était fin prêt en prévision de notre réaction. Et voilà, je dois l'avouer, qui me plaît infiniment chez les Grecs, leur astuce et leur ruse. « Bon, parfait, nous dit-il presque aussitôt, si vous ne trouvez pas mon prix honnête, alors faites-moi un. » D'accord. Celui que nous lui fîmes était aussi ridiculement bas que le sien était élevé. Il avait l'air aux anges de ce grossier marchandage. De fait, nous l'étions tous, aux anges. Ses services devenaient quelque chose de tangible, de réel, une denrée. Nous les soupesions, les estimions, nous les faisions sauter dans la main comme une tomate mûre ou un épi de maïs. Et, finalement, nous tombâmes d'accord non sur un prix honnête qui eût été une insulte au talent de notre guide, non. Nous convînmes que, exceptionnellement, à cause de la chaleur et parce que nous n'avions pas tout vu, et patati et patata, nous arrêterions les frais à telle somme et que nous nous séparerions bons amis. Un des menus détails sur lequel s'éternisa le marchandage fut ce qu'avait donné notre guide au guide officiel de l'acropole. Il jurait avoir donné 150 drachmes. J'avais vu, de mes yeux vus, la transaction. Et je savais qu'il n'en avait refilé que 50. Il soutenait que j'avais mal vu. Nous aplanîmes la difficulté en feignant de croire qu'il avait, par inadvertance, donné à ce type 100 drachmes de plus qu'il n'en avait l'intention. Morceau de casuistique si parfaitement étranger au génie grec, que si notre homme avait décidé, sans plus attendre, de nous dépouiller de tout ce que nous possédions, il eût été dans son droit. Et les tribunaux grecs lui eussent donné raison. Une heure plus tard, je disais adieu à mon compagnon, me trouvai une chambre dans un petit hôtel pour le double du prix courant, me déshabillai et m'allongeai nu sur le lit, dans une mare de sueur, jusqu'à 9 heures du soir. Je cherchai un restaurant, m'efforçai de manger, mais y renonçai après quelques bouchées. De ma vie, je n'avais eu si chaud. S'asseoir près d'une lampe électrique était une torture. Je vidai quelques verres de boisson glacée, me levai de la terrasse où j'étais installé et me dirigeai vers les jardins publics. Il devait être dans les 11 heures, dirais-je. Les gens essaimaient de tous côtés vers ces jardins. Cela me rappelait New York par une nuit torride d'août. Je retrouvai la horde, sentiment que je n'avais jamais eu à Paris, sauf au cours de la révolution manquée des années 30. Je flânochai à travers les jardins, en direction du temple de Jupiter. Le long des allées poussiéreuses, il y avait de petites tables, posées là comme distraitement. Et assis tranquillement dans le noir, des couples parlaient à voix basse, devant un verre d'eau. Le verre d'eau. Partout, je ne voyais que cela. C'en devenait une obsession. Je me prenais à penser à l'eau comme à une découverte, un nouvel élément essentiel de la vie. Terre, air, feu, eau. Pour l'heure, l'eau était l'élément cardinal. De voir ces amoureux assis dans le noir, à boire leur eau, installés là paisiblement, dans le calme, et parlant à voix basse, me donnait un sentiment merveilleux du caractère grec. La poussière, la chaleur, la pauvreté, le dénuement, la discrétion de ce peuple, et cette eau partout, dans les petits verres posés entre les couples tranquilles et paisibles, tout cela me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de sacré dans ce lieu, une nourriture qui soutenait. Ma promenade dans le Zapion cette première nuit fut un enchantement. Aucun jardin public n'est demeuré dans ma mémoire comme celui-là. Il est la quintessence du genre, générateur du même sentiment qu'on éprouve parfois en regardant une toile ou en rêvant d'un endroit où l'on aimerait vivre sans espoir de le trouver. Également adorable le matin, ce parc. Je m'en aperçus par la suite. Mais la nuit, quand on y arrive comme tombant des nues et qu'on sent sous ses pieds le sol dur et battu, qu'on entend bourdonner cette langue parfaitement étrangère, c'est une magie. Et d'autant plus pour moi, peut-être, que je le revois plein de gens les plus pauvres du monde et les mieux nés. Je suis heureux d'avoir découvert Athènes durant cette incroyable vague de chaleur. Heureux d'avoir vu la ville dans les pires conditions. J'ai senti la force nue de ce peuple, sa pureté, sa noblesse, sa résignation. J'ai vu les enfants, et ce spectacle m'a réchauffé le cœur parce que je venais de France, où l'on eût dit que les enfants étaient absents de ce monde, avaient cessé de naître. J'ai vu des gens en haillons, et cela aussi était une purification. Le grec sait vivre en haillons. À l'encontre de ce que j'ai vu dans d'autres pays, il n'en éprouve nul sentiment de dégradation totale ni de dernière souillure. Le lendemain, je décidai de prendre le bateau pour Corfou, où finalement mon ami Durel m'attendait. Nous sortîmes du Pirée vers les 5 heures de l'après-midi. Le soleil était encore une vraie fournaise. C'était Le Colosse de Maroussi d'Henri Miller. Extrait. Traduction de Georges Belmont. Texte dit par Olivier Claverie. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas de Pagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller, est édité aux éditions Buchet-Chastel.